Donc toi, demain, tu fais une chose qui peut t'emmener à ce que les gens pensent du mal de toi. D'accord ? Ferme la porte. Imma tubayyinu mubashara aw tajtanib hadha al-makan. Une fois, ça m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, je passais dans un lieu, un banchar qui faisait les pneus, là. Je mangeais une sucette. Quand il m'a vu, Sahab al-Banchar, il m'a fait une tête, au loin. Je vois, il me regarde intrigué, tu vois. Chat dit, khawaftana, zonantana, katu dakhin. Quand tu fumes une cigarette. J'ai rigolé, chat, la ilaha illallah. Khalas, la sucette, on évite. Car c'est lui, en plus, c'est un frère qui est à la khay, tu vois. Chakloum, mustaqim. C'est lui, il m'a vu. Il a pensé que je fumais. Que dire des gens qui ont le cœur malade ou autre. On dit, khalas, la sucette dans la rue, on va éviter, inshallah. On va éviter. J'ai le droit de manger une sucette, c'est halal. Une fois, j'avais eu un débat avec un frère par rapport à ça. Il disait quoi ? Cette boisson qui est sans alcool. Bière sans alcool. On avait un débat par rapport à ça avec des frères. On dit, ya ikhwa, hada halal. Tu vois ? C'est pas ce qui ressemble à du haram qui devient haram. On dit, s'il n'y a pas de produit dedans, de produit haram ou quoi, c'est halal. Ça enivre pas. Il n'y a pas d'éléments qui nuisent à la santé. C'est pas tiré de je sais pas quoi du porc ou de je ne sais quoi de kaza kaza. C'est halal les frères. Après la femme m'a dit ouais mais une fois un proche en buvait et la bouteille ressemblait à une bouteille de bière. J'ai dit là, non. Là la bouteille tu l'évites. Parce que quelqu'un va te voir avec cette bouteille là au loin, il va dire tu bois de la bière. Tu vois. Il va te voir au loin, il va voir un frère à l'Omaba à l'écran. Belle barbe en camis avec une bouteille de bière à la main en train de boire. Il va être choqué. Et ne pense pas que les gens ils vont dire voilà, on va dire ah non, je trouve une excuse. Les gens ils vont te déchirer. En général, les gens ils cherchent pas à trouver une excuse, surtout là-bas. Un kafir, encore moins, il va dire non, je pense pas qu'ils boivent de l'alcool. Il va dire mais j'ai vu le jeune du quartier là, il s'appelle Ibrahim, il buvait de la Heineken. Je l'ai vu, il buvait de la Heineken. Et il va le dire à tout le monde. Il va dire je l'ai vu clairement, il buvait de la bière. Il va le salir tout de suite. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est une occasion de pouvoir dire « Ben voilà, regardez, vos barbus ne sont pas si bien que ça, en fait. Je l'ai vu buver de la bière. » Ou un « Je l'ai vu avec une femme, c'est pas sa femme. » Ou un « Je l'ai vu faire fumer une cigarette, c'est une sucette. » L'autre « Je l'ai vu faire telle et telle chose. » Tu vois ? Les gens vont pas chercher à être innocenté. Il est manahim Allah, ceux qui ont un peu de fiqh et qui connaissent un peu. Mais les koufars, ils vont te... À moins l'occasion, ils vont le salir. Ils demandent que ça. Déjà, ils mentent sur toi pour te faire du mal. Donc, quand est-il le jour, tu leur donnes un argument plausible pour confirmer leur mensonge sur toi. Ils vont le prendre tout de suite. Ils vont dire, voilà, lui, il faisait telle et telle chose. Telle et telle chose. Donc demain, évite les lieux louches. Évite les gens bizarres. Toutes les situations qui peuvent t'amener à ce con, qui entache à ta réputation, ton image. Évite-les. Et si jamais tu te trouves forcé, fais un bien direct. Tu vois. Par exemple, on t'a vu dans un hall avec des jeunes qui fumaient de shit, par exemple. Tu dis, je suis venu voir, c'était mon frère, j'avais un message à lui dire, je suis venu chercher, je suis reparti. J'ai rien à voir avec eux. Tout de suite. Tu vois. Parce que les gens vont dire, je l'ai vu dans le hall avec les autres, là, les petits gars du quartier en train de fumer. Qu'est-ce qui va se passer de toi? Ou tu es avec l'odeur sur toi. Dans le hall, t'es passé et ça a pris ton vêtement. Et après, il dit, après, tu sens le. Tu sens le shit. Il dit, non, je passe dans le hall, il dit, j'ai en train de fumer et je suis passé, ça m'a imprégné. Donc, tu vois. Tu bégayes tout de suite. Car les gens disent, moi, j'ai pas à me justifier. On dit, là, à la mort, ça va. Mutlaqan. Des fois, t'as pas justifié, c'est vrai. Et des fois, faut que tu te justifies. Les gens, dès que tu leur dis une chose, moi, j'ai rien à prouver aux gens. On dit oui et non. Tu vois, il y a des choses, t'as rien à prouver, c'est vrai. Le A, c'est que t'es innocent. Mais demain, tu tombes dans une chose qui amène au doute, fais un bayen. Sans quoi, ça va t'amener à ce que quoi, on parle sur toi, alors tu aurais pu l'éviter. Non. Hada wa ma'ana, istibra li dini wa irdi.